Les éditions de l'avenir présentent Les arènes d'Aubioche. Une aventure de Mazas Pavel, roman fanique d'André Bory, paru à l'origine dans Basis hors série, numéro 9. K00 dans le rôle de Mazas Pavel, Aldor dans le rôle de Rick Pavel, Ezwa dans le rôle de l'émir, Michael Cadillac dans le rôle du major Jurgensen, Christian Martin dans les rôles du matelot du Torado et de l'officier Arconide et à la narration. Chapitre 7, sixième partie. Abandonnant ses compagnons sans prendre la peine de répondre à la question de Mazas, « Et lui, qu'est-ce qu'on en fait ?» Le mulot castor se téléporta dans le poste central du Torah 2. Il atterrit quasiment sur les genoux du major Jurgensen, patron du vaisseau et responsable de la flotte d'intervention de l'OMU. Sans s'excuser et sans s'occuper de préambule, il demanda « Savez-vous de qui il s'agit ? Ami ou ennemi ?»« Rien de nouveau, mais j'aurais tendance à opter pour des aconides. » « Aïe !» Moins je vois ces fourbes et mieux je me porte. Vous pensez qu'ils viennent au secours de l'Aritilco ? Possible si ce sont eux et s'ils sont en cheville. Nous risquons d'être obligés de baisser pavillon, car à 17 vaisseaux contre 100, les forces ne sont guère équitables. Major, regardez ! L'officier contempla l'écran radar sur lequel se déployaient une centaine de points lumineux en un encerclement de la petite circonférence centrale qui représentait la planète Aubioche. Cette fois, je crois qu'il n'y a plus d'illusions à se faire. Ce sont bien les aconides. Jurgensen sortit un petit calepin de sa poche de poitrine et le consulta brièvement. Puis, il s'approcha de l'hypercom, poussa le radio pour prendre sa place et pianota le code qu'il venait de vérifier. Un rire silencieux se croit sa grande carcasse et l'émir, étonné, faisant fi de ses principes de déontologie, s'empressa de se glisser dans ses pensées. Ce qu'il apprit provoqua son hilarité. Ils vont avoir une bonne surprise, mais je ne suis pas sûr qu'ils l'apprécient. Le major le regarda interloqué avant de réaliser que le télépathe avait usé de son talent à son encontre, ce qui lui arracha une grimace de mauvaise humeur. S'il admettait que les différents dons des membres de la milice des mutants avaient été précieux dans les temps anciens et qu'ils étaient encore utiles parfois, il ne pouvait se faire à l'idée que quelqu'un puisse pénétrer dans son esprit. Le mulot castor, qui savait qu'il venait de gaffer, s'excusa. « Pardonnez-moi, Mador. Je m'en veux d'avoir été indiscret. » Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, le patron du Torah 2 hocha la tête. « Vous n'avez gagné que quelques instants, lieutenant. Je comptais vous en faire part, ainsi qu'à mes officiers, dès que j'aurai reçu le message de confirmation. » Au même moment, un cœur palpitant apparut sur l'un des moniteurs et des caractères s'affichèrent. Immersion dans 12 minutes et 20 secondes. « Messieurs !» Lorsque le Lord Amiral Atlan nous a envoyés sur Aubioche, il avait prévu la possibilité d'une intervention des aconides, trop heureux de contrecarrer nos plans. Il a donc profité de la présence dans ce secteur de la galaxie d'une armada de 2000 vaisseaux Bioposis pour demander au protoplasme central de prévoir un déroutement éventuel de cette flotte. Comme à chaque fois, les Bioposis ont répondu positivement à notre requête et m'ont fait parvenir un signal codé qui devait servir, le cas échéant, à les appeler à la rescousse. Lorsque j'ai eu confirmation des intentions belliqueuses des nouveaux venus, j'ai expédié le signal. Vous venez de lire la réponse. Pendant ce temps, sur l'écran radar, la flotte aconide avait terminé son déploiement et formait un cercle parfait dans lequel se trouvaient enfermés les 17 vaisseaux de l'OMU. On ne devrait pas tarder à avoir de leurs nouvelles, pronostiqua l'émir. Durant leur attente, la porte s'ouvrit pour livrer passage à Mazas, portant le petit amphibien dans ses bras, ainsi qu'à Eric et Ars qui venaient aux informations. Ils n'eurent pas le temps de poser de questions, car l'hologramme d'un militaire en habit d'apparat surgit au centre de la pièce. Un sourire sardonique découvrait ses dents. L'apparition virtuelle porta une main désinvolte à la visière de sa casquette et lança « Sauf erreur de ma part, vous n'avez rien à faire dans ce secteur. » Sachez que le système bleu a signé il y a longtemps un pacte d'assistance mutuelle avec le système de Aubioche. Ses dirigeants nous ayant signalé votre ingérence inadmissible, nous avons décidé d'intervenir. Vous avez exactement 4 heures pour libérer tous vos prisonniers et quitter définitivement les lieux. Passé ce délai, tout vaisseau qui n'aura pas obtempéré sera détruit. 4 heures ? Quelle générosité ! s'esclaffa le mulot castor. Dans moins de 10 minutes, ce beau merle va avoir le verbe moins haut, persifla le major. En quelques mots, l'émir mit ses amis au courant de ce qui se passait. Rick éclata de rire. Dommage que nous ne puissions pas voir la tête de notre fantôme quand les bioposites vont débarquer. Que fait-on de cet animal ? S'inquiéta la jeune femme, en montrant l'être aquatique qui était blotti contre elle, mouillant complètement ses vêtements. Il s'appelle Yohop, à moins que ce soit le nom de son espèce. Et nous irons le ramener chez lui dès que les bioposites nous auront débarrassé des aconides. Le mulot castor extirpa une carotte d'une des poches de sa combinaison et la lui tendit. Une main à quatre doigts s'en saisit, l'approcha de ses narines, puis l'apporta à sa bouche. Du bout des dents, il en mordilla un petit morceau, le mâcha et l'avala. Ses yeux s'illuminèrent et il engloutit le reste avec voracité. Enfin quelqu'un qui sait ce qui est bon et qui apprécie les carottes autant qu'un ilt! S'écria l'émir, ravi.